Wesh, désordre pour ma clique. Ha, yo, ha, yeah. J'lance le désordre, bordel accordé, on est bien tous d'accord, c'est ma division plus un guest, un zeste de nerf pour mes frères. Ha, j'lance le désordre. Ouais, ouais, j'place ma rime, tabasse. J'kiffe ta basse, arbitre choco. Un beat stocco, dès que j'pose mon flow, métamorphose, chope des bistocco et fou en l'air. Range ta bistouquette, quand j'dis que ça part en rien, que ça plus que des bras en l'air. Je ne mets qu'un en l'air, gars, en l'air côte, pas l'air au merco. Mais autant merco. Entends bien le tonnerre, c'est nous d'aller voir en cerco. J'sais plus bien combien de rimes j'écris dans un texte. Si on désordre dans ma tête, un truc qui sont le baron, ouais, un truc qui est pas net. Panique, bord pire, que bord planique. On donne du bon son, même fait à la nique. Du boxon, troc son contre argent. Contre argent. Le maître humide, l'élève se lève, voilà contre-courant. On montre souvent les meutes, après les mille qu'on vienne comme la Z là. Le bordel dans les têtes, l'impression d'être là, sans être là. Faites le saigner, le faux, c'est signé. Les M sinon soigneux, sois sage, ordonné. R.A.P. mon mouvement coordonné. Reste face fou, désordonné. Le foyer fout la merde, toujours désordonné. La riposte s'affaisse pas face à la moindre faiblesse. Rabaisse l'idée de la peur, laisse les fois en détresse. Les traces restent, c'est qu'elle causée par les deux bestes. En piste pour le guest, on lâche nos rimes sur la côte ouest. Big M sème la confusion, trouble leur fausse vision. Ma dérision est aussi forte qu'elle commet des lésions. Le 5-5 PM, la riposte pour la liaison. Ici seul les vrais ont raison. J'lance le désordre, bordel accordé, on est bien tous d'accord. C'est ma division plus un guest, un zeste de nerf pour mes frères. Ha, yo, yo. Yo, j'lance le désordre, bordel accordé, on est bien tous d'accord. C'est ma division plus un guest, un zeste de nerf pour mes frères. Ha, j'lance le désordre. Et yo, jusque là, comme je suis con, nous y attendez tous bien sages. Petit gandeur, bonjour, d'un chemin faisant, nos intéressants. Number tous puissants, tout au plus, ça le soit des anges prudents. Le roi en la cuvette pour un trône. La folle, un V qui me presse, je suis si je pousse, sans mes neurones. Que clabousse pire, que prise avec un poste de cracheur. Postillonnaire, boîte, j'arrive tardive, heure. Bouge trop de la prise dans les trains. Tu viens mettre, me crains, ton miette, après quoi. La croûte se casse, faut que je sire en chair. Reste là, chauffe le tronc, comme le reste de froid, grand matelas. Bien moins cher pour me superbe et perdre des plumets. Et yo, comme un chien, il perd ses poils. Pile squad. Juste hal. Hal. Yo, moi et mes canonniers dans le canyon de Babylone. Car comme quand on est dans le rôle du frustré. Le faux moi, je m'en prends vex et je passe pour un rustré. Le même pont bleu. Faudrait que je change, t'ajuste et c'est quoi. Quoi pour les pendre. Le fil de mes pensées, je t'en campe. Faire couler l'encre pour faire couler l'encre. Répondre la bande rime. Crime parfait, je viens défaire les champs. De l'anonymat, changer de climat, mec Shima. Mais moi, répondre, j'ai pas pécho le mic y'a 6 mois. Plus le temps que je m'emploie, plus le temps que les autres parlent. Épargne-moi les mythes, par hit, ce qu'on veut c'est des briques. La ruine au monument, ce qu'on fabrique. La réplique en bonne et cruforme. Neuf langues comme l'insolence. En forme déforme le silence, l'école se répand. L'empoque comme un pan-pan pente. Ma cette ruine, sur battement. Notre hors de choses, hors de choses, yo. Tu croyais quoi qu'on allait rester là sans atout. Tu croyais quoi que l'expérience, yo, n'est pas fait pour nous. Tu croyais quoi que la rue une réserve. Que de mauvais coups, caïd contre cop, c'est un cliché qui réalise partout pourtant. Il faut que le résultat les sent. L'origine faire une nouvelle proie parmi nos rangs. Comme arme argent. Plus de fonds de commerce mais des business en accroissement. Mais à qui le profit à nous. Ah ouais ouais parce que le kiff c'est de voir son frère camé au troué. Pas un ripou rappelle-toi. Je dirais pas t'inquiète pas mais inquiète-toi. Les fournisseurs des grossistes sont ceux qui dirigent. Terminé à nous faire taire, mais ça va pas, plus ça va, plus y'en a. Des enragés qui n'ont que ça, et qu'ils défendent comme seul droit. Écoute mon pote, le désordre frère, c'est la merde partout, partout. C'est le désordre. J'lance le désordre, bordel accordé, on est bien tous d'accord. C'est ma division plus un guest, un zeste de nerf pour mes frères. Ha, yo, yo, yo. J'lance le désordre, bordel accordé, on est bien tous d'accord. C'est ma division plus un guest, un zeste de nerf pour mes frères. Ah, j'lance le